Chapitre 15. L'extraordinaire récit de Jérémie. Après que Phébus m'eut ordonné de le suivre et que je me sois occupé des blessés légers de l'avalanche, je me mis en route pour Foix. C'est le meunier, ce cher homme à qui j'avais enlevé l'enfant, qui m'y porta dans sa carriole parmi ses sacs de farine. Nous mîmes plusieurs heures sans jamais s'arrêter pour effectuer les 40 kilomètres. Son cheval était jeune et fougueux, et cette année, à cause de la pluie, il y avait peu de sacs, le blé ayant presque entièrement pourri sur pied. Une autre année de disette s'annonçait. Lorsque l'animal était fatigué, il le changeait avec celui qui, à la longe et attaché à la carriole, suivait derrière. Nous sommes partis à l'aube et le crépuscule pointait lorsque nous fûmes en vue du château. Oh, mon ami! Que te dire lorsque je le vis? Il était pareil à mon souvenir, sauf que la tour de Larger n'était pas terminée, loin s'en faut. Je pris les quelques hardes du père de Clariane, mon nécessaire de secours que j'avais enveloppé dans un baluchon, et montai vers le château. Allais-je encore voir Phébus? J'en doutais, lorsque je le vis sortir presque en courant et en apostrophant ses gardes. Puis il me vit, me sourit et pria un homme tout proche de lui de bien s'occuper de son mire. Je sus après que cet homme était Arnaud, son demi-frère en qui il avait toute confiance. Il enfourcha son destrier et disparut avec sa troupe au grand galop. Cet homme-là, mon ami, avait la bougeotte. À notre époque, on aurait dit qu'il était hyperactif. Il vivait à 200 à l'heure. D'ailleurs, au château, je ne le vis qu'une dizaine de fois au grand maximum. Il était le plus souvent à Mazères. Mais le peu de temps qu'il passait à Foix, c'était un branle-bas de combat permanent. Il chassait, il régalait sa cour de cerfs, de daims et autres faisans, s'étourdissait en chants et danses, il écrivait, composait. Mais il savait aussi se préoccuper de ses gens. Je l'ai vu un jour, qu'il m'avait demandé de l'accompagner à une chasse, donner sa cape de laine à un vieil homme sur le bord de la route. Il demanda à ses gens de le ramener au château. Son intendant lui demanda ce qu'il devait en faire, à son âge avancé. Une bouche de plus à nourrir n'était pas rien au Moyen-Âge. Phébus le regarda droit dans les yeux, puis répondit sèchement. « Donnez-lui à manger, un lit et des vêtements chauds. Il s'occupera de donner à manger à mes chiens. » « Mais, monseigneur, reprit l'homme gêné, nous avons déjà deux hommes qui s'occupent des chiens. » « Eh bien, nous en aurons trois à présent, » asséna Phébus. Si cela te dérange, intendant, il pourra peut-être prendre ta place. Non, monseigneur, point. Parfait, alors en route. Voilà comment ce grand homme traitait ses sujets. Mais si jamais il se sentait trahi, alors son courroux était terrible. Même son fils légitime en fit les frais. Alors, ce que l'on raconte est vrai, bien qu'il ne le fît pas exprès. Mais Phébus était fort et l'enfant de 14 ans assez chétif. Tu ne le sais probablement pas, mais ce gamin fragile avait été embrigadé par le prince noir pour empoisonner son père. Mais Phébus était malin et il avait des espions un peu partout. Démasqué, l'enfant avoua. Phébus l'emprisonna et malencontreusement, d'un geste un peu brutal, le tua. Il ne s'en remit jamais. Il devint plus sombre depuis ce jour-là. Pendant ces 25 années, je soignais les petits bobos comme les grosses blessures. J'opérais comme je le pouvais. Bien sûr, j'arrivais à sauver des vies, mais combien de gens ai-je vu mourir, faute de médicaments, de matériel? Crois-moi, notre époque est bénie, et je suis bien certain que personne ne s'en rend vraiment compte. Je vis arriver au château une femme en pleurs, désespérée. Son mari, tamelier et fournier de son état, c'est-à-dire boulanger et qui cuisait le pain en même temps, s'était grièvement brûlé, son four ayant explosé. Elle supplia l'intendant de me laisser y aller. Mais qu'aurais-je pu faire, mon ami? Je n'avais ni chambre stérile, ni compresse médicamenteuse, rien. Cette impuissance affreuse me rendait presque fou. Je ne pus que soulager ces dernières heures avec une décoction d'écorce de saule blanc. Petit aparté. L'écorce de saule blanc est pour ainsi dire aujourd'hui comme l'aspirine. Phébus, lorsqu'il revenait de bataille, avait souvent des blessures légères, mais un beau jour, il me demanda d'examiner un de ses meilleurs amis. Lorsque je vis les larges taches rouges violacées sur son corps et ses aisselles boursouflées, je fus pratiquement pris de panique. La peste. Je n'avais avec moi que quelques flacons de streptomycine, d'antibiotiques, qui ne suffiraient en aucun cas à tous les traiter, et je devais me prémunir en premier pour pouvoir sauver le peu de vie que j'imaginais pouvoir sauver. Quel dilemme, mon ami, quel cruel dilemme! Je fis dire à Phébus d'éloigner et de mettre en quarantaine les malades et de faire brûler les cadavres. J'allais encore voir des atrocités et être, comme d'habitude, complètement impuissant face à des maladies qui, en nos années de modernité, se soignaient avec quelques antibiotiques ou un vaccin en prévention. L'épidémie dura 5 longues années, où la population fut divisée par 3. Toutes ces années où j'ai vu souffrir tant de gens, cela m'a rongé, tu ne peux pas savoir combien. Lorsque j'avais du temps devant moi, j'allais visiter la bibliothèque de Phébus, le seul endroit où, quand le Seigneur n'était pas au château, j'étais certain de trouver la paix et la solitude. Il devait être un des seuls avec son demi-frère à savoir écrire et lire. Quel dommage que tous ces ouvrages aient disparu. Quelle beauté ces reliures, ces enluminures, ce savoir. Mythologie avec fait des Romains, et en Languedoc, s'il te plaît. Bien sûr, je n'y comprenais rien, mais il y avait la traduction. Je me suis souvent demandé si ce n'était pas Phébus lui-même qui les avait traduits en bon français. L'encyclopédie Barthélemy l'anglais. Et avec ce livre, je commençais à comprendre d'où venait que Phébus avait voulu son surnom. On pouvait lire que dans la constellation du Soleil, les hommes étaient beaux, légers, et pour cette raison, en peinture, on leur faisait des ailes à la face d'un enfant et est appelé Phébus, c'est-à-dire beau. On comprend mieux à présent le pourquoi de ce surnom un peu mégalo. Je suis tombé sur un manuscrit où Phébus avait composé des canzos, c'est-à-dire des chansons. Il était également poète à ses heures, mais que ne savait pas faire cet homme-là, bon sang, jusqu'à un traité de chirurgie. Grand Dieu, quelles inepties! Mais également de bons balbutiements, des manuscrits de Pline, d'Ovide. Je ne m'étonne plus de sa grande culture à présent. Lorsque mon cœur était lourd, j'allais sur le chemin de ronde, et là, surplombant la ville de 60 mètres de haut, je priais pour qu'un jour je puisse rentrer chez moi, revoir ma princesse, et toi, mon cher ami. Comme vous me manquiez tous les deux. Mais bien vite, une autre victime attendait mes soins, et je ne pensais plus qu'à soulager maux et douleurs. Il vint pourtant un jour où je me sentis plus fatigué, moins vaillant. Pourtant, mon miroir, bien que mal poli, ne reflétait en rien mes années. Phébus s'en aperçut, mais n'en dit mot. Je traînais un peu plus les pieds lorsque je marchais, et je commençais à avoir de sérieuses douleurs. Mes gestes étaient moins précis dans mes actes médicaux, et quelquefois je tremblais. Un après-midi, j'eus la surprise de voir le mari de Clariane, elle suit, venir me mander une décoction pour sa femme. Lorsque je lui réclamai des éclaircissements sur les symptômes, il parut presque gêné. Je l'eus forcé pour connaître la vérité. Clariane était tombée dans la rivière lorsqu'elle battait son linge. Elle avait glissé dans l'eau glaciale, voulant attraper une saponnère, plante que je lui avais indiquée. Bien efficace en ces temps où le savon n'existait pas encore, et depuis ce temps, toussait et crachait tant qu'elle pouvait. Je le menai dans la ville jusqu'à l'auberge. L'étrangeté de cette ville que je pus contempler à cette époque me sidère encore. Ses constructions en pierre pour le premier étage, le torchis pour les autres soutenus par des colombages, me fit penser à la Normandie. Bien sûr, les incendies étaient fréquents. Mais depuis que l'on construisait en dur le premier étage, ils étaient moins virulents, enfin se propageaient moins rapidement. Avant d'arriver à l'hostellerie, je vis une femme pousser des oies dans une cour derrière sa maison. Et lorsqu'elle en ouvrit la porte, se dessina un potager bien entretenu. À contrario de la campagne, ceux des villes mouraient moins de faim. Illogique, me diras-tu, et pourtant. Nous nous régalâmes d'une tourte salée aux légumes, puis d'une sucrée en dessert. Ah, je dois dire que je n'ai jamais rien mangé de pareil, même celle que tu m'avais fait goûter chez toi. Je continuais de questionner, elle suit, je devais savoir. Et depuis combien de temps est-elle malade? Il se tortilla sur son siège et finit par m'avouer qu'elle était couchée depuis près d'un mois et qu'elle crachait du sang depuis la veille. Je sursautais. Il fallait à tout prix que j'aille l'ausculter. Nous rentrâmes au château par des ruelles étroites et sombres, et la chance voulut que le seigneur Phébus soit là. Je dois aller à Orgès, seigneur. Ma nièce est gravement malade. Je sollicite donc votre permission. Phébus me regarda attentivement et me tint le discours suivant. Tu as fait de l'excellent travail, Mire, et depuis des années. Et il faut que je te prévienne qu'un inquisiteur a eu vent de ce travail peu ordinaire. Je ne sais d'où tu viens et peu me chaud. Cependant, je ne voudrais pas te perdre. J'ai remarqué que ta science ne venait pas d'ici, et d'autres l'ont vue aussi. Jalousie et médisance ont fait que cet inquisiteur devrait bientôt être là. Je te conseille vivement de rester à Orgès quelque temps et de bien te cacher. Si le danger devenait trop pressant, j'enverrai un homme te prévenir, et tu pourras aller dans la montagne en attendant que la menace s'éloigne. Et j'espère que tu nous reviendras bien vite, Mire. Nous avons fortement besoin de toi. Nous partîmes le lendemain de bon matin. Elle suit derrière moi sur mon cheval. J'appréhendais ce que j'allais trouver. Elle avait pris froid, sans aucun doute, mais de là à cracher du sang. Je sus dès que je la vis qu'elle était perdue. La tuberculose, et je n'avais aucun remède. Encore une fois, je me montrai rassurant, lui donnai des décoctions qui soulagèrent un peu sa douleur, mais de l'entendre, la nuit, étouffée, me rendait fou. Elle suit traînait lamentablement dans l'auberge et me regardait, me suppliant de l'aider. Quelques jours plus tard, elle mourut. Nous retrouvâmes derrière son lit un tas de chiffons pleins de sang. Pendant des mois, elle les avait cachés pour ne pas inquiéter ni son mari ni ses enfants. De toute façon, je n'aurais pu la sauver, même si je l'avais su plus tôt. C'est ce que j'essayais d'expliquer à Elsuit, fou de douleur. Ainsi, grâce à mon passage de ce côté-là, Clarian avait vécu sa petite vie de femme du Moyen Âge, avait eu une descendance et sauvé la mienne par la même occasion, mais sans pour autant vivre plus longtemps. Voilà, mon ami, ce que j'en pense. Le destin, notre destin, est inscrit quelque part, et quoi que nous fassions, lorsque notre heure est venue, il faut partir. Je restai 2 semaines avec Elsuit et ses enfants. L'aînée, celle de Phébus, était bien jolie, âgée de presque 30 années. Elle avait une dizaine de petits, tous en excellente santé, qui gambadaient partout dans le village et faisaient les pires sottises. Elle n'arrêtait pas de la journée de leur courir après. Les autres enfants de Clariane étaient plus calmes et travaillaient soit avec leur père à l'auberge pour le plus jeune, soit chez le meunier ou le tamelier pour le plus grand. 2 fils étant nés de leur union tardive. Je rêvassais, et c'était à cet instant-là que je me décidai à te conter mes aventures dans ce carnet. Pendant des jours entiers, je me penchais avec ma plume sur ces pages blanches que je remplissais, avec l'espoir qu'un jour tu puisses enfin les lire. Un soir de fin octobre, des flocons commençaient à voleter de-ci de-là. L'hiver était bien en avance en cette année de 1383. J'écrivais encore devant la cheminée lorsqu'un gamin fit irruption dans l'auberge. Essoufflé, il pouvait à peine parler. Il cria cependant: Le mire, il faut qu'il parte. Je me précipitai vers lui, le fis s'asseoir, reprendre son souffle, et voulus lui donner à boire, mais il repoussa ma main et me dit: Il faut vous cacher, messire, tout de suite. Le seigneur Phoebus m'envoie. L'inquisiteur arrive. Il sera là dans quelques minutes. Elle-suit avait tout compris. Il demanda à ses deux fils d'aller à l'encontre de l'homme et d'avertir les habitants discrètement de ce qui se passait, de ralentir le plus possible l'homme et sa troupe, pour me laisser le temps de filer dans la montagne. Je prenais mon carnet et mon nécessaire de secours lorsque j'entendis des cris. La troupe entrait déjà dans Orgès. Je saluai d'une bonne bourrade Elsuit et décampai aussi vite que mes rhumatismes me le permettaient. Je longeai l'Ariège jusqu'au pont de pierre et dévalai le talus, me cachant dessous pour réfléchir un instant. Si l'on me prenait avec mon nécessaire de chirurgien, j'étais mort. Le carnet me poserait moins de problèmes. Le vieux français, notre langue actuelle n'ayant que peu de ressemblance, je pouvais le garder sur moi. J'enlevai une pierre au pied de la pile du pont, et avec un énorme morceau de bois, entrepris d'y faire un trou. Pas bien profond, s'entend, pas avec pareil matériel, juste suffisant pour y cacher mon tissu de lin qui enveloppait mes instruments. Je recouvris de terre et de mousse et rejoignis en vitesse le chemin. Puis je copiai ces derniers instants dans ce carnet, en espérant qu'un jour tu le trouverais, et ainsi que mon histoire extraordinaire te serait connue. Je sais qu'il m'aurait fallu plus d'un carnet pour tout te narrer, mais je n'avais que lui, donc j'ai dû faire avec, et je suis pratiquement certain que tu ne croiras pas à ce récit. Tu penseras que j'ai affabulé, que j'ai perdu la tête ou je ne sais quoi encore. Alors, mon ami, si tu le veux, fais une dernière chose pour moi. Va à la pile du vieux pont et essaye de déterrer mon nécessaire de chirurgie. Dans ce tissu de lin, tu trouveras également le médaillon de Clariane, celui-là même qu'elle portait sur le portrait découvert dans le château et que le professeur Martinet nous a montré. Cela te prouvera ma bonne foi et te confortera dans l'idée que ton vieil ami n'était pas fou. Je voulais encore te dire un petit mot, mon cher ami. Je voulais te remercier pour le séjour que j'ai fait chez toi, où ton père et toi m'avez accueilli comme un membre de votre famille. J'y ai trouvé la paix et l'amitié qui sont si chères à mon cœur. Merci, Fred. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, dans ce monde ou dans l'autre, mais sache que jamais je ne t'oublierai. Il ne me reste plus qu'à retrouver le chemin menant à Las Pulgas et à espérer pouvoir revenir à notre époque. Bien sûr, j'espère également que tu trouveras ce carnet. Je le garde précieusement contre mon cœur. Jérémie.